te parler. Je te trouve moins fort que tu ne le semblais. Ce n'est pas un problème, je t'aime tant. Mais il te faut me dire qui tu es vraiment. Oh Arion, ma très chère, je vais te l'expliquer. Essaie de me comprendre, tu vas être choquée. Je voulais te le dire dès les premiers instants, mais j'ai peur de te perdre, tu le sais maintenant. Je me prénomme Pal et je suis un espion. Par ailleurs, je suis prince, le fils du roi Hiéron. Ma mission se termine, je devais rechercher si des armes secrètes sont aux mains des exilés. Ici mon cœur a changé. J'ai découvert la vérité. Et je veux rester fidèle à Arkelon. Demain je retourne là-bas et tu me rejoindras. Tu sais, ils ont besoin de moi. Je vais devenir roi pour réconcilier. C'est dur de se quitter, il faudra patienter pour mieux se retrouver. Ce fut dur à entendre, mais c'est mieux de savoir. Je veux une nuit tendre avant les au revoir. Mais il faut que tu saches, c'est avec Théodore et non pas avec Pal que ce soir.